y en a. Merci, Job. Cœur comme une éponge, spécial pour filles en pleurs. Heureusement, parce que ma tronche, c'est pas vraiment une fleur. J'ai le démon du vin. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot. C'était triste, ça, là. C'était triste cette chanson. Ah, faudrait le piano. Gagnant, je peux faire. J'arrive pas à le faire, ça. C'est du 3-4, ça. À caler ça. Mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain. tu me tiens chaud, Pierrot. Mistral gagnant. Mistral gagnant. Mistral gagnant. Putain, c'est dur à caler ça. Cette truc. Et un piano.